Nyangi. Heureuse de vous savoir nombreux à l'écoute, madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue à l'écoute de cette édition. En voici les grands titres. 10 accusés dans le dossier des massacres d'Ogasalara en zone Nyabiraba écopent d'une peine à perpétuité. Le massacre a eu lieu, c'était le 30 juin de cette année. Les détails, c'est en début de cette édition. Une dizaine de médecins spécialistes tanzaniens sont attendus au Burundi pour différentes opérations chirurgicales à l'hôpital de Gitega et clinique Prince Louis Irwagasore. Vous aurez les détails dans cette édition. On reviendra également sur les difficultés d'obtention de certains documents administratifs avec le nouveau découpage territorial. À titre d'exemple, on se rend dans l'une des communes de l'ancienne province de Bubanza et vous l'entendrez dans cette édition mise en œuvre par ces Cédric Niwishak. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Page justice, et pour débuter cette édition, le tribunal de grande instance de Bujumbura a condamné ce mardi 10 personnes à une peine de servitude pénale à perpétuité et tous ensemble un dédommagement de 150 millions de francs burundais, tandis que 2 personnes doivent croupir 20 ans de prison et payer ensemble 15 millions de francs burundais de dédommagement. 4 autres, dont 3 autorités à la base, sont condamnées à 3 ans de prison ferme et 4 ont été acquittées. C'est dans le dossier d'assassinat de 6 personnes accusées de sorcellerie lundi 30 juin sur la colline Gasarara en zone Nyabiraba. Les dédommagements étant pour le compte des familles des victimes. Le verdict tombe après un procès de flagrance devant le tribunal en itinérance à Nyabiraba ce lundi. On revient sur les détails de ce procès avec Jean-Marie Mayong. Dans ce procès en flagrance, le ministère public a accusé 20 personnes d'être responsables du meurtre de 6 individus en s'appuyant notamment sur des vidéos prises avec des téléphones portables. Le procureur a expliqué que cet acte semblait avoir été prémédité étant donné qu'une liste des personnes à éliminer avait été affichée au bureau du PAEJ, projet d'appui à l'entrepreneuriat des jeunes sur la colline Gasarara, et que les victimes y figuraient. Le procureur s'est interrogé sur le fait que ces personne ait pu être assassinée alors qu'elle se trouvait dans leur champ ou à leur domicile, alors même qu'il existe des autorités locales censées assurer la sécurité sur la colline. Au total, 20 personnes ont été entendues au cours de ce procès. Toutes ont nié les faits, affirmant qu'elles n'étaient pas présentes sur la colline au moment des crimes et qu'elles avaient appris les nouvelles à leur retour chez elles le soir. Les juges ont cherché à comprendre pourquoi les accusés portaient des bâtons qu'ils auraient utilisés pour tuer les victimes et brûler les corps. Après les auditions, les accusés ont été regroupés pour établir les responsabilités individuelles. Certains auraient eu pour rôle d'arrêter les victimes, tandis que d'autres de vérifier que les meurtres avaient bien été commis. Et pour les 3 autorités locales accusées de ne pas intervenir pour protéger la population, ils se sont exprimés disant qu'ils ont informé la police pour intervenir et arrêter les criminels. Mais la population a refusé une réponse qui n'a pas convaincu les juges. Les avocats de la défense ont tenté de plaider en faveur de leurs clients, mais les juges ont rejeté leurs arguments, estimant qu'ils n'étaient pas fondés. À l'issue des débats, le ministère public a requis la prison à perpétuité pour 14 personnes et les accusant d'avoir participé activement au meurtre et à l'incinération des corps. 3 autorités locales ont été condamnées à 3 ans de prison pour n'avoir pas protégé la population. Concernant 3 autres personnes, le ministère public a indiqué que la décision finale serait laissée au tribunal. Merci à Jean-Marie Mayonga pour toutes ces précisions. Parlons éducation à présent. Passation dès ce mardi de l'examen d'État donnant accès à l'enseignement supérieur. Le ministre de l'Éducation, François Habyarimana, a lancé officiellement cet examen au lycée Moaro en province Gitega. Le ministre Habyarimana a appelé les candidats à ne pas avoir peur et à se conformer aux différents textes sortis par son ministère en matière de réclamation. Et on l'écoute. De manière globale, l'examen d'État se déroule sans aucun problème à travers tout le territoire national. Le seul problème qu'on a pu relever, c'est les véhicules qui transportaient les épreuves qui sont tombés en panne. Mais ce problème a été très vite résolu. Ça n'a vraiment pas posé d'autres problèmes à proprement parler. Et le premier conseil que nous avons prodigué aux candidats, c'est de rester serein, c'est de travailler sereinement, c'est de vaincre la peur et de vaincre le stress. C'est vrai, le stress ne peut pas manquer, mais les candidats doivent minimiser le taux de stress. Parce que si le candidat est stressé, si le candidat a peur, c'est l'un des facteurs susceptibles de conduire à l'échec. L'autre conseil que nous avons prodigué aux candidats, c'est que dès que les copies leur seront données, dès que les résultats leur seront communiqués, qu'ils aillent eux-mêmes voir ces copies, qu'ils puissent vérifier comment les copies ont été corrigées, comment les points ont été additionnés. S'ils trouvent l'une ou l'autre erreur, soit de correction ou d'addition, qu'ils le signalent à temps à la Commission nationale chargée d'organiser l'examen d'état. Nous avons sorti un communiqué. Nous avons également sorti une ordonnance ministérielle qui montre comment les recours doivent se dérouler. Ce communiqué et cette ordonnance doivent être respecter scrupuleusement. Celui qui ne va pas respecter le contenu de cette ordonnance ne sera pas reçu. Cela signifie que les recours qui seront introduits après la publication des résultats définitifs, ces recours ne seront pas reçus. Et en province Bujumbura, là où nos reporters sont passés ce mardi, notamment au lycée Notre-Dame de Rohero et Michel Archange, où se sont rassemblés 9 écoles, les responsables non signalés ont signalé l'avant-midi de ce mardi qu'il n'y avait pas d'incident majeur sur ces deux écoles. Les candidats étaient au nombre de 601, nous rapporte Francine de Hokugayo. L'examen d'aujourd'hui a commencé à 9h20. Nous sommes au lycée Notre-Dame de Rohero où 171 élèves venant de 4 écoles ont passé l'examen. Tous étaient présents. L'épreuve a commencé avec un petit retard, mais selon Sabimana Renild, présidente du centre, cela est normal pour un premier jour. Comme c'est le début, ça n'a pas été facile de commencer à l'heure prévue parce qu'on devrait donner des instructions aux candidats et on a passé par l'appel des candidats aussi pour vérifier s'il y a des absents. Il n'y a aucun problème. Tous les candidats sont là, ils sont en train de passer l'examen. Au centre Saint-Michel-Archange, l'examen a commencé à temps. 430 élèves venant de 5 écoles ont participé, dont 3 autodidactes. Là aussi, tous les élèves attendus étaient présents. Le responsable du centre Nyongwati Alexandre se félicite de ce début et surtout du comportement des élèves pour leur bonne conduite, ce qui a permis de commencer à l'heure. Nous avons tout ce qu'il faut pour débuter l'examen d'état. On n'a aucun problème. Tout est bien. Nous avons réparti les candidats dans 9 salles de classe. Et dans chaque salle, on a 2 surveillants. Il n'y a pas de problème au niveau de la surveillance. Et les élèves sont bien, on dirait qu'ils sont très bien préparés. Ils ne nous dérangent pas. Ils sont concentrés sur leur travail. Les élèves sont globalement satisfaits. Mukunzi Raina vient de terminer l'épreuve de mathématiques. J'étais assez stressée au début, mais par après, on nous a un peu mis à l'aise et on s'est concentré. On a pu faire l'examen d'état de maths qui était assez bien pour quelqu'un qui a étudié. Quelques-uns, je suis sûre que j'ai pu trouver quelques réponses, mais en général, je ne sais pas parce que la situation était un peu compliquée. Donc c'est là où j'appréhende un peu, mais je pense que généralement, ça va. Cet examen d'état édition 2025 va durer 4 jours et prendra fin ce vendredi. Et vous saurez que 68 124 candidats sont attendus à cet examen d'État, dont 38 000 filles, et c'est à travers 100 centres de passation. Parlons encore éducation. Les 2 000 enseignants qui seront recrutés au terme de l'année scolaire 2025-2026, comme annoncé par le ministre de l'Éducation, restent insuffisants par rapport aux besoins. Avis du président de la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'éducation et de l'enseignement FENASEB, Antoine Manouma, qui indique que le besoin est estimé à 10 000 enseignants. Il plaide pour la majoration de ses effectifs et du salaire des enseignants, des bénévoles et vacataires y compris, explique que le maigre salaire engendre souvent des départs des enseignants. On l'écoute. Le besoin en enseignants s'élève à plus de 10 000, mais ses effectifs ne cessent de s'accroître suite au départ à la retraite, au décès et à la fuite des cerveaux. Le ministre de l'Éducation nationale de la recherche scientifique a récemment déclaré qu'au cours de l'année scolaire 2025-2026, 2000 enseignants seront recrutés. Comparativement à l'année scolaire écoulée, où 635 enseignants avaient été recrutés, on risque de croire que les effectifs d'enseignants nouveaux seront en hausse. Mais loin de là, si on tient compte des besoins exprimés. Le recours aux enseignants bénévoles ou vacataires devient alors une solution de rechange pour le ministère ayant en charge de l'éducation. Pourtant, on ne peut pas attendre un meilleur rendement, car les bénévoles bénéficient d'un intéressement moins motivant provenant des contributions des parents, souvent irréguliers et quelquefois détournés par certains responsables des écoles. Par ailleurs, ne sont reconnus par aucune norme du travail. Pour les vacataires, non seulement l'intéressement est moins motivant, mais aussi ils ne sont pas souvent disponibles suite aux occupations quotidiennes. La carence d'enseignants est l'un des facteurs de la baisse de la qualité du rendement scolaire, parce que le temps scolaire diminue sensiblement. Au sein de la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi, FENASEB, nous demandons au gouvernement d'accroître les effectifs d'enseignants à recruter. 2000 unités prévues sont de loin inférieures aux besoins existants. De plus, il est impératif que le gouvernement améliore la rémunération des enseignants en poste pour les fidéliser. Dans le cas contraire, la carence d'enseignants restera chronique. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Poursuivons avec cette édition à 18h12 dans les studios de la radio Isanganiro. Le projet de rénovation de l'aéroport international Melchior Ndadaye prendra fin l'année prochaine en 2026. Ceci a été dit ce mardi par l'ambassadeur Joël Nhabagaya, directeur général du transport aérien, dans un atelier sur la standardisation de la réglementation de la navigation aérienne au sein du COMESA. Il ajoute que pour faciliter les passagers, d'autres projets sont en cours de réalisation, notamment la rénovation des pistes suivies. Les visiteurs donc, qui viennent au Burundi ont besoin d'être sécurisés. C'est la raison pour laquelle il y a trois aspects qu'on est en train de développer effectivement pour que nos visiteurs puissent se sentir en sécurité. La première des choses qu'on est en train de développer, c'est la rénovation des infrastructures aéroportuaires. Je veux dire ici, par exemple, la rénovation de la piste qu'on a actuellement, qui est en état vraiment déplorable. On est en train, donc, il y a un très grand projet qui concerne donc la rénovation de cette piste et on espère que cette activité prendra fin à la fin de l'année prochaine, de 2026. À côté de cela, on a aussi un bâtiment technique pour nos contrôleurs aériens qui sera aussi construit dans le cadre de ce projet. Ça, c'est la première des choses qu'on est en train de développer afin de faciliter les visiteurs qui viennent au Burundi. On est en train de trouver et moyens de bien gérer les espaces aériens, de bien gérer donc les routes par lesquelles passent les avions qui opèrent au Burundi. Il y en a peut-être qui peuvent comprendre que les avions prennent l'espace aérien n'importe comment, mais ici on doit comprendre que les espaces aériens sont bien délimités, sont bien déterminés. Les routes empruntées par les avions sont bien tracées. Alors, on est en train de parler avec surtout nos pays voisins pour qu'on puisse tracer de nouvelles routes aériennes afin que les avions puissent prendre de courtes routes afin d'économiser le temps de vol, mais aussi afin d'économiser le carburant. Page santé de cette édition, 11 médecins spécialistes en opérations chirurgicales tanzaniens sont attendus au Burundi pour une période de 12 jours de bonne action. L'ambassadeur de la République unie de Tanzanie au Burundi l'a précisé ce mardi lors d'un point de presse sur les échanges d'expertise médicale. Gelasius Gaspar Biakanwa a précisé que ces médecins spécialistes débuteront leurs travaux à l'hôpital provincial de Gitega du 14 au 18 juillet à l'hôpital Prince-Louis-Rwagasore, à la clinique Prince-Louis-Rwagasore en province Bujumbura, sera du 21 au 25 juillet de cette année. Il a en outre annoncé que ses soins médicaux seront gratuits et que c'est dans le cadre de consolidation des relations bilatérales entre le Burundi et la Tanzanie. Parlons gouvernance à présent des habitants de l'ancienne province de Bubanza qui cherchent différents services auprès des administrateurs des communes. Se lamentent qu'actuellement, les administrateurs ne signent aucun document administratif. Tous les documents sont signés par les nouveaux secrétaires exécutifs permanents, sauf la carte nationale d'identité et le certificat foncier, selon certains agents des anciennes communes, ce qui ne facilite pas les demandeurs de ces services qui sont obligés de faire de longs trajets. Le point Vexpes Caritas Kavanyana. Les habitants des différentes communes qui cherchent des services auprès des administrateurs disent qu'actuellement, il est difficile de pouvoir trouver un document administratif puisque les administrateurs ne signent pas, certains depuis le 1er juillet, les autres depuis ce lundi. Seuls les nouveaux secrétaires permanents communaux ont l'autorisation de signer différents documents administratifs, sauf la carte nationale d'identité et le certificat foncier, selon les travailleurs des communes que nous avons approchés. Une femme rencontrée devant le bureau de la commune Gihanga était en désolation totale. Elle nous a raconté qu'elle voulait voir l'administrateur pour une affaire urgente, mais elle a appris que ce n'était pas possible et qu'il ne signe aucun document administratif. Les administrateurs des différentes communes contactées nous ont appris que les travailleurs des communes sont toujours au service en orientant la population selon les services demandés, surtout vers les secrétaires permanents communaux pour ceux qui veulent faire signer des documents administratifs. Spes Caritas Kavanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Les tâches qui étaient exécutées par l'administrateur de la commune Mukaza, notamment la livraison des documents administratifs, sont aujourd'hui dans les mains du secrétaire exécutif de cette commune, récemment nommé par le chef de l'État. Évariste Bouchoumi explique cependant qu'il n'a pas la prérogative de signer et livrer les cartes nationales d'identité et que les bénéficiaires devront attendre le 31 juillet de cette année dès l'entrée en fonction de nouveaux administrateurs communaux. On revient sur cet élément de la page santé où l'ambassadeur de la Tanzanie au Burundi annonce la venue de 11 médecins spécialistes en opération chirurgicale et ce sera pour une période de 12 jours de bonne action. Ces médecins seront à l'hôpital régional de Gitega du 14 au 18 juillet et à la clinique Prince-Louis-Rwagasore en province Bujumbura du 21 au 25 juillet. Et il a en outre ajouté lors d'un point de presse de ce mardi que ses soins médicaux seront gratuits. On l'écoute traduit en français par Alexis Daiseng. Ubalozi wa Tanzania nchini Burundi kwa kushirikiana na Wizara ya Afya ya Burundi. L'ambassade de la Tanzanie au Burundi, en collaboration avec le ministère burundais de la Santé, organise un camp médical à l'hôpital Benjamin William Mkapa en Tanzanie. Du 14 au 25 juillet, une équipe de médecins experts sera déployée au Burundi pour dispenser des soins spécialisés dans diverses pathologies. Ce cas constitue une étape importante dans le renforcement des relations diplomatiques entre le Burundi et la Tanzanie, ainsi que la mise en œuvre des instructions du docteur Samia Suluhu Hassan, présidente de la République unie de la Tanzanie, visant à élargir l'offre de services spécialisés aux patients des pays de la communauté d'Afrique de l'Est. L'objectif est d'accueillir un maximum possible de patients souhaitant bénéficier de ces soins à l'hôpital Benjamin William Mkapa. Ce camp sera divisé en deux parties. La première se déroule du 14 au 18 juillet à l'hôpital professionnel de Gitega. La seconde à l'hôpital Prince Louis Rwagasore de Bujumbura. Ça sera du 21 au 25 juillet. Quels autres services seront proposés pendant le camp? Il s'agira notamment de chirurgie osseuse suite à des accidents ou à diverses maladies, mais aussi des chirurgies de la colonne vertébrale, des nerfs et de la moelle épinière, des maladies du système urinaire, des maladies sanguines des voies urinaires, des maladies cardiaques, des maladies rénales et oculaires. Donc, ça sera de chirurgie en général, tout sera gratuit, afin que tous les Burundais puissent bénéficier des meilleurs soins de santé. Nous prévoyons d'avoir 11 médecins experts, mais ils collaboreront également avec les médecins des hôpitaux que j'ai mentionnés. Et pour clore cette édition des dernières brèves en actualité nationale, page commerce, les prix de certains produits alimentaires ont chuté au marché de Kayanza. Cela fait un mois, le kilogramme de pommes de terre est passé de 2500 à 1500 francs burundais et le kilogramme de haricots est passé de 4000 à 2500 francs burundais. C'est au moment où le kilogramme de la banane verte est passé d'à peu près 2000 à 1200 francs burundais. Et les acheteurs s'en réjouissent. Adelin Niyonsaba, directeur provincial de l'agriculture, élevage et environnement, appelle les agriculteurs à ne pas gaspiller leur récolte. Une information que nous devons à notre correspondant Patrick Sengiyumva. Et les propriétaires de véhicules empruntant la route nationale numéro 6 reliant Kayanza Ngozi à Muyinga demandent la réhabilitation de ce tronçon qui affiche beaucoup de nids de poules, ce qui cause selon eux pas mal d'accidents et endommage leurs véhicules. Le colonel Constantin Vigrimana, directeur général de l'agence routière du Burundi, tranquillise que ce projet existe et qu'il a même commencé. Nous devons cette information à Apollinaire Muzagara depuis la province de Butanyerera. Et voilà, à 18h21 dans les studios de la radio Isanganiro, c'est par ici que je mets un point final à cette édition. Merci madame, monsieur de l'avoir suivi. Merci également à Cédric Niwishak qui assurait la mise en onde. Très bonne suite de nos programmes.